Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler du repêchage de la Ligue nationale de hockey et également de cette transaction qui est survenue avec le Canadien de Montréal. Max Domi, un choix de troisième ronde, quitte pour les Blue Jackets de Columbus en retour de John Anderson. Il y avait des rumeurs d'ailleurs qu'on voyait que Anderson était sur le marché. Domi, c'était pas un secret de polichinelle qu'il allait peut-être être échangé. On en parle avec Simon Boisvert. Salut Simon! Hey, salut Danny. Simon, avant de parler du repêchage de ce soir, je pense que Domi, on va commenter cette transaction-là. C'était un secret de polichinelle que Max Domi allait être échangé. Oui, parce que Marc Bergevin avait jamais vraiment nié que c'était une possibilité. Et puis, il y a toujours la question du contrat. Probablement qu'on ne voulait pas lui donner un contrat aussi élevé pour la performance qu'il nous avait donnée l'année passée. Oui. Il semblait que dans le vestiaire, c'est une pomme pourrite. Hein? Ça ressemble pas mal à ça de ce qu'on entend. Hein? Bien, ça se peut. Ça demeure du oui-dire sur lequel je peux pas vraiment commenter. Mais une chose est sûre, c'est qu'une chance que le Canadien lui a pas offert un gros contrat l'été passé. Oui. Parce que là, il serait prêt avec, alors que là, il était relativement facile à échanger. OK. Puis dans le cas de Domi aussi, il faut mentionner qu'avec Suzuki et Keke, qui a connu des bonnes séries éliminatoires, Dano qui devient possiblement le troisième joueur de centre ou le deuxième, ça dépend. Il pourrait commencer sur le deuxième centre. Il n'y avait plus vraiment de place pour Max Domi qui était un joueur de centre. Lui il voulait jouer au centre d'ailleurs. C'est ça. Au lieu de jouer à l'aile, et puis il n'y avait plus vraiment de place pour lui, comme tu dis. Fait qu'à moins d'échanger, mettons, Philippe Dano, mais encore là, est-ce que Domi comme troisième centre, c'est idéal? Mm. Tu sais, c'est plus, moi, d'après moi, un gars de deuxième trio. Ouais. Mais encore là, est-ce que ça peut être un joueur de centre efficace? Tu sais, c'est un gars qui est un peu partout sur la patinoire. Hein? Ouais, fait que je sais pas trop. C'est un gars qui joue un peu à sa façon. Alors, la première année, ça a très bien marché. Il a été très performant. Mais l'année passée, ça a moins bien été. Ah, et puis Arizona, c'était un peu ça. Il a eu une carrière pas mal en dentille. Alors, on peut s'attendre probablement à ce que les prochaines années soient comme ça. Et c'est certainement pas la dernière équipe pour laquelle il va jouer à Columbus. Non, c'est sûr. Max Domi, c'est un gars qui, je pense, qui va être échangé pas mal de fois. John Anderson, c'est un joueur... c'est un gars qui... on avait besoin de buts sur les ailes. Donc, d'attaque sur les ailes. Et lui a marqué pas loin de 30 buts une année. Et a également marqué 19 et 17 buts. Ouais, l'année passée, il a joué seulement 28 matchs, il a été blessé, il a subi une opération à l'épaule, marqué seulement un but. Alors, je pense que cette saison-là, il est à oublier. L'affaire avec Josh Anderson, c'est que c'est le genre de gars que toutes les équipes recherchent. S'il y a 3 buts sur les 2 livres, c'est ça? Oui, qui est capable de marquer des buts. Mm. Et qui est très hargneux physiquement. Parce qu'il y en a qui sont gros et qui font rien avec, là, comme ouais. Benoît Pouliot dans le temps. Mais, alors, il y a une combinaison, tu sais, tout le monde cherche le prochain Tom Wilson, comme tout le monde cherchait le prochain Milan Lucic il y a quelques années. Mm. Alors, est-ce que Josh Anderson est ce gars-là? Je pense qu'à son meilleur, oui, mais 26 ans, les épaules amochées, tu sais, ça va dépendre combien d'années Bergevin le signe. Okay. S'il lui donne un contrat de 4-5 ans, il pourrait le regretter, parce que ces genres de gars-là, habituellement, ils ont une durée de vie utile assez limitée. Ben oui, c'est ça. Je ne sais pas trop. Luchik en est un bel exemple. Hein? Ben, c'est un très bon exemple. Et puis, là, tu vois, un gars comme Anderson, c'est sûr que il fallait que Bergevin aille chercher quelque chose contre Max Domi qui n'était pas l'équivalent de Max Domi. Alors, je peux comprendre l'idée d'aller chercher Anderson, prendre un pari sur un gars comme Anderson, plutôt que d'aller chercher un autre petit joueur de Saint-Pied-10 qui va faire 25 buts, mais qui ne changera pas du tout le visage du Canadien à l'attaque. Et Dieu sait là que le Canadien, s'ils veulent éventuellement se rendre loin en série, tu ne peux pas continuer avec toute la bande de petits joueurs de Saint-Pied-10 qu'ils ont. Non, non, ça fait des années que c'est important de se grossir. On dit tout le temps que c'est important de se grossir. Donc, écoute, quand tu dis que Joel Armia a une valeur pour le Canadien, c'est parce qu'il est, c'est sa grosseur, dans le fond. Là. Oui, ça ne sert pas tout le temps, mais au moins la grosseur est là. Il prend de la place en zone adverse quand il est là. OK. Ce soir, le repêchage de la Ligue nationale de hockey, pas trop de surprise, Alexis Lafrenière devrait être le premier choix. C'est par la suite que ça risque d'être intéressant. Hein? Byfield, Sudzul, l'Allemand, Pierre Dorion qui a mentionné qu'il n'était pas fermé à l'idée d'échanger également son cinquième choix. Le Canadien va-t-il repêcher au 16e rang? Comment tu vois ça, là? Ouf! Los Angeles a vraiment gardé le secret, parce qu'on a beau chercher partout, il n'y a aucun insider qui a aucune idée qui est-ce qu'ils vont choisir, même si le recruteur-chef, la semaine dernière, a dit que leur choix était fait. Ouais. Bon, on sait que ça va être tout cela au Byfield. Écoute, moi je préfère tout cela. Je trouve que c'est une valeur plus sûre. C'est un gars qui est extrêmement rapide. Byfield est beaucoup plus jeune, par contre. Oui, il est plus jeune de quelques mois. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a un physique très imposant. Mais pour moi, c'est tout cela un meilleur potentiel offensif. Et Byfield, moi, j'ai quand même un certain point d'interrogation, dans le sens que l'année passée, je l'aimais beaucoup en début de saison, mais il m'a déçu lorsqu'il a joué contre des clubs plus forts dans la Ligue de l'Ontario. Il avait tendance à amasser ses gros matchs de 5-6 points contre des clubs plus faibles. Okay. Et puis, je ne sais pas trop, je doute un peu des fois de son sens du jeu, son implication, mais c'est sûr qu'il a des très belles qualités, et puis personnellement, sur ma liste, je l'ai classé 4e. Mmh. Alors, c'est pas un 2 de pique, c'est juste que si j'étais Los Angeles, moi, je préférais Stutchley, et puis si je suis à Ottawa, je préférais que Los Angeles prenne Byfield. C'est sûr que c'est intéressant. On dit que c'est un autre Leon Draisaitl, à peu près, hein? C'est pas le même style de jeu, parce que c'est un patineur vraiment hors pair, ce que Draisaitl n'est pas. Mais là, on se rend compte qu'en Allemagne, ça s'est beaucoup amélioré depuis quelques années. Ouais. Il y a des joueurs d'élite, là, maintenant, qui sortent de là. Ben, je pense que l'Allemagne, avant longtemps, sera pas loin de la Suisse, sur la scène internationale. Hein? Ben, personnellement, je pense qu'ils ont dépassé. Okay. Parce qu'on a vu on a vu aux Jeux Olympiques, alors que les joueurs de la Ligue nationale n'étaient pas là, ils se sont rendus en finale. Oui, mais la Suisse, alors, ils jouent très bien le système. Ils jouent selon leurs limites, c'est ça la différence. Il n'y a pas beaucoup de talent, mais ils jouent selon leur système. C'est ça, mais là, c'est rendu qu'il est en train de sortir quasiment un joueur par année. Ah oui, c'est sûr. Maurice Snyder, l'année passée, qui a été pêché par Detroit, qui a été excellent dans la Ligue américaine à 18 ans. Alors, je trouve ça le fun qu'il y ait un autre pays qui commence à produire des joueurs. On en a besoin avec l'expansion. Il faut pas trop diluer le calibre. Il y en a deux, trois qui devraient sortir, encore une fois, du côté de l'Allemagne en première ronde. Oui, il y a Reichel, qui est le neveu de l'ancien des Calgary, Robert Reichel. Ouais. Et il y a un autre, J.J. Peterka. Ça devrait être des joueurs qui vont sortir, si c'est pas en fin de première, fort probablement ou fort certainement en deuxième ronde. Ils sont pas du calibre de Stutchla, mais ils ont quand même une chance de faire la Ligue nationale, peut-être sur un troisième trio. Oui, effectivement. Du côté du Canadien, je t'avais parlé récemment, tu m'avais sorti un joueur, un Américain, qui était répertorié début de deuxième selon certains dépisteurs, et au premier rang du côté de l'autre. Donc, comment tu vois ça? Bien, le Canadien a plusieurs possibilités. Je pense que si Hendrix Lapierre est encore là, étant donné qu'on semble, il semble rétabli des problèmes de santé qu'il y a eu, je pense qu'Hendrix Lapierre est à considérer s'il est encore là au 16e rang. Ouais. Je crois que Dawson Mercer aussi, des Saguenayens, est à considérer. Lapierre est plus talentueux, mais Dawson Mercer, je pense que c'est une valeur sûre pour jouer probablement au milieu de l'alignement, je te dirais le deuxième, troisième trio. Patrice Bergeron, je vois plusieurs comparaisons de Patrice Bergeron. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, c'est un peu le même genre de joueur, ouais. Mais avant de devenir Patrice Bergeron, Dawson Mercer et puis bien d'autres joueurs ont des croûtes à manger. Mais c'est sûr que c'est pas une mauvaise comparaison pour donner une idée du genre de joueur qu'il est. Il y a un autre joueur aussi, je crois que le Canadien pourrait avoir dans sa mire. C'est le défenseur Keegan Goulet de la Ligue de l'Ouest. Okay. Keegan Goulet, c'est un gars qui a un très bon physique, qui est un bon patineur, qui est un très bon joueur défensif. C'est pas le gars qui va jouer sur le jeu de puissance, cependant. Mais je le verrais très bien sur une deuxième paire. Mais ça serait vraiment un choix safe. Okay. Tu sais, un gars que tu es sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale, mais tu es sûr aussi qu'il ne gagnera pas le trophée Norris. OK. Du côté de Askarov, je sais que José Théodore en a parlé au 91-9. C'est un gardien de but générationnel. On sait que Kellen Primo est un bon gardien de but. Il est étiqueté comme un bon, mais pas un gardien de but qu'on voit tous les 10-15 ans. Est-ce qu'Askarov pourrait être un choix intéressant pour le Canadien? Ben, s'il est encore là au 16e rang, ce dont je doute, ouais. Oui, parce que là, il devient probablement le meilleur joueur disponible. OK. Après là, que toute la gang qui a été mentionnée souvent là, va être sortie, ben, entre un joueur de troisième trio et un gardien de but comme Askarov, ben, moi, j'aime mieux prendre une chance sur Askarov. Ouais. Personnellement, Askarov, chaque fois que je l'ai vu, j'ai toujours trouvé hallucinant. J'ai trouvé aussi bon que Vasilevski au même âge. Même s'il n'a pas connu un grand championnat du monde, hein? Non, au championnat junior, il avait seulement 17 ans. Ouais. Mais moi, c'est pas tellement le fait qu'elle ait fait rentrer des buts. Ça, écoute, le gars a 17 ans, on peut pas s'attendre à des miracles contre un tournoi de 19 ans. Mais moi, il y a une faiblesse que j'aime pas de lui. Étant donné que c'est un... Bon, premièrement, c'est un gardien qui attrape de la droite, ce qui est très rare dans le hockey. Il y a Pavel Francouz à Détroit, à Colorado, et je sais même pas s'il y en a d'autres. Moi, je trouve qu'il a laissé beaucoup de buts passer au-dessus de sa mitaine. Okay. Et puis, on voyait même les reprises là pendant le championnat junior, et puis c'était incroyable comment le gars avait pas une bonne mitaine. Alors, dans la Ligue nationale, tu sais qu'on a... les joueurs ont la capacité d'exploiter la faiblesse d'un joueur. Alors ça me fait un peu peur, mais pour le reste, toutes les autres qualités qu'un gardien de but doit avoir, je lui donne quasiment une note de 10 sur 10. OK. Jérémy Poirier, William Dufour, c'est des joueurs qu'on devrait voir demain sortir. Il y a un petit défenseur également de la Ligue de hockey junior du Québec qui a été blessé. On compare beaucoup à Samuel Girard. Il était le nom m'échappe, mais on dit que ça pourrait être intéressant également en deuxième ronde pour le Canadien. Ben, si tu veux parler de Jérémy Poirier, premièrement, ouais. Ben, moi, je te dirais, Jérémy Poirier, c'est vraiment, vraiment le joueur le plus polarisant du repêchage. OK. Le gars a offensivement là, c'est un top 10. OK. Il y a Tommy Chabot, hein? Oh oui. Puis je te dirais là, des meilleures mains encore. Ah oui, OK. C'est pas peu dire. Okay. Jérémy Poirier, il a quasiment les meilleures mains du repêchage. OK. Mais défensivement, dans sa zone, écoute, dans sa zone, il est d'une pas quel mot employer, mais d'une... pas une mollesse, mais d'une indifférence. OK. Qui fait en sorte que dans la Ligue nationale, si tu joues comme ça, tu vas te faire manger tout rond. OK. Est-ce qu'il est capable de mettre plus d'ardeur au jeu dans sa zone? Si c'est le cas, on va dire un jour, ce gars-là, comment ça se fait qu'il a été repêché, je dis pas moi, 45e ou 50e. Mais sinon... ben, il va devenir tout simplement un joueur de jeu de puissance de la Ligue américaine. OK. Alors, il est très polarisant, mais pour une équipe comme le Canadien ou Ottawa, qui a beaucoup de choix de deuxième ronde, c'est un bon gamble avec un de tes 3-4 choix. Surtout que le Canadien défend un quart arrière. Ils ont beaucoup de défenseurs, mais ils n'ont pas le quart arrière sur le jeu de puissance qui pourrait mener. C'est pas les Strobel, c'est pas des Romanov, c'est pas... Non. Il n'y en a pas un là-dedans. Il n'y en a pas un là-dedans. Il n'y a personne. Donc, Poirier pourrait très, très bien être ça. Puis, c'est pas Victor Mété non plus. Mais souviens-toi, pour les plus vieux, là, Marc-André Bergeron. Ouais. Tu sais, Marc-André Bergeron, c'est un superbe joueur de jeu de puissance, superbe défenseur offensif, mais c'était un désastre défensivement. Alors, Marc-André Bergeron, ben il fallait que tu le fasses jouer sur une troisième paire, fallait que tu le mettes sur le jeu de puissance. Parce qu'en dehors de là, c'était quelqu'un qui mettait ton club dans le trouble. Mais il a quand même eu une carrière pendant un certain temps parce que ses habiletés offensives étaient tellement bonnes. Alors peut-être que Jérémy Poirier pourrait se forger une niche comme ça, mais écoute, apprendre à jouer défensivement dans sa zone, si tu veux y mettre l'ardeur, la concentration, ça se fait. Mais des mains comme ça, ça s'apprend pas. OK. Je ne sais pas si on va se parler demain, ça, ou plutôt jeudi, ou pire aller, Snake, pour améliorer. Peut-être plus jeudi, tu vas avoir le temps de digérer tous les choix, parce que ça va finir à 17h demain. Tout analyser ça, puis jeudi, on sera une bonne analyse. Ben, ça va me faire plaisir, parce que le Canadien, je pense, a 13 choix. Ouais. Alors, il va certainement avoir beaucoup à décortiquer là, suite à la journée de mercredi. Simon Boisvert, qui nous parlait du repêchage qui a lieu dans quelques minutes, heure du Québec, soit à 19h.